Vous êtes à l'écoute de France Culture, nous nous retrouvons pour la suite de cette deuxième nuit des féminismes, une nuit que nous consacrons à écouter des femmes qui ont participé de très près au mouvement de libération des femmes, le MLF, né il y a 50 ans, un écho d'autrefois pour éclairer les renouveaux, les débats, les richesses des féminismes du temps présent. Dans la première partie de cette nuit, nous avons ainsi pu entendre quatre femmes qui avaient participé à la publication du MLF, le journal Le Torchon Brûle, et qui racontaient leurs souvenirs de leurs engagements à cette période. C'était dans un documentaire signé Anne-Sophie Vergne pour Surpris par la nuit en 2007. Puis nous avons pu écouter une émission de mars 1972 au cours de laquelle six militantes étaient venues sur France Culture présenter le mouvement et ses objectifs, et parmi elles Delphine Seyrig. Et puis à l'instant, on a pu écouter le documentaire que Clémence Alzard avait consacré à Monique Wittig pour l'émission Une vie, une œuvre, c'était en 2018. Dans la seconde partie de cette nuit, vous pourrez tout à l'heure écouter un dialogue sur le féminisme enregistré en 1976 entre Antoinette Fouque et Benoît de Groux, puis un épisode de La Fabrique de l'Histoire pour lequel Emmanuel Laurentin avait reçu Cathy Bernheim en 2009. Cathy Bernheim qui faisait partie du petit groupe de femmes qui était allée déposer une gerbe pour la femme du soldat inconnu en août 1970, action qui avait marqué la naissance, du moins médiatique, du MLF. Et puis enfin, pour clore cette nuit, on entendra tout à l'heure Christine Delphy raconter son itinéraire intellectuel, militant et politique dans les trois premiers volets d'une série d'entretiens à voix nue qu'elle avait accordé à Charlotte Bien-Aimée en 2019. Mais pour le moment, au mi-temps de cette nuit, nous avons le grand plaisir d'accueillir Marie Herman. Bonsoir Marie Herman. Bonsoir. Et merci d'être avec nous cette nuit. Je précise que nous nous parlons par téléphone car nous ne pouvons hélas être dans la même pièce en raison des mesures sanitaires en vigueur au moment où nous enregistrons cet entretien. Marie Herman, vous êtes l'éditrice et l'une des 9 co-auteurs de la nouvelle version de Notre corps, nous-mêmes, un livre publié il y a quelques mois par la maison d'édition Hors d'atteinte que vous avez par ailleurs cofondé. C'est un livre qui renvoie à ce féminisme des années 70 dans lequel nous nous plongeons depuis le début de la nuit, puisque sa première édition française remonte à 1977 chez Albin Michel, édition française qui elle-même était déjà l'adaptation d'un livre paru pour la première fois aux États-Unis en 1973 sous le titre Our Bodies, Ourselves, et qui avait été réalisé par un collectif de femmes. C'est ce que vous rappelez d'emblée dans l'introduction de ce livre. Il a une riche et longue histoire. Peut-être pour commencer, il faut rappeler un peu les étapes de cette histoire. Est-ce que vous pouvez nous les raconter? Alors en fait, tout a commencé en 69 à Boston. Ce que je trouve assez ironique, c'est que ça a commencé là-bas parce que c'est là qu'ont commencé les réunions d'alcooliques anonymes. Et donc cette tradition de se raconter et de partager des expériences et de construire un savoir et des connaissances communes à travers un partage justement de savoir empirique. Donc ce sont donc des femmes qui se connaissaient, qui se sont rencontrées à Boston dans le cadre de luttes qu'elles menaient par ailleurs. C'est-à-dire qu'elles militaient pour les droits civiques et contre la guerre au Vietnam principalement. Et en fait, elles ont fait le constat partagé que elles n'avaient pas vécu la libération sexuelle dont on parlait autour d'elles, qu'elles n'avaient pas vu d'effet sur elles. Et en fait, ces expériences qu'elles ont partagées sur leur sexualité, leur santé, elles les ont mises par écrit, elles ont commencé à les diffuser sous forme de brochures. Elles ont organisé des sortes de cours, de séminaires ou d'ateliers à partir de ces brochures qui ont tout de suite remporté un immense succès. Et c'est assez rapidement devenu un livre. En 73, donc ça a été la première édition commerciale chez Simon & Schuster. C'est devenu donc ce livre qui s'appelait Our Bodies, Ourselves, dont le principe était donc de constituer un savoir commun à partir d'expériences pour les partager avec un maximum de femmes. C'est un livre qui a été un best-seller, je crois, assez rapidement aux États-Unis et qui, du coup, s'est diffusé dans le monde entier. En fait, peu à peu est née l'idée, enfin, des communautés de femmes dans différents pays du monde ont eu l'idée d'adapter ce livre originel américain aux réalités des pays dans lesquels elles vivaient. Tout à fait. Alors, donc le livre a atteint rapidement à peu près une vente de 4 millions d'exemplaires aux États-Unis. En fait, il s'est effectivement diffusé dans le monde entier. On estime aujourd'hui, ou on considère que c'est le livre féministe le plus vendu dans le monde, devant Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Si on considère effectivement toutes ces adaptations et ces traductions différentes. Parce que en effet, il a été, on estime aussi qu'il a été adapté ou traduit dans environ 35 langues, même si c'est évidemment assez difficile à estimer précisément. En tout cas, il y a effectivement un certain nombre de collectifs de femmes qui s'en sont emparés et qui l'ont adapté à la réalité de leur pays, de leur système de santé, des difficultés qu'elles traversaient dans le contexte où elles étaient, et qui se sont inspirées de ces méthodes, effectivement, qui commençaient par un échange de témoignages et des ateliers et des groupes de parole, avec cette idée qui est difficile à se représenter aujourd'hui, parce qu'on en est vraiment loin, mais que c'était une source d'accès au savoir au milieu d'un désert, en fait. Parce que à l'époque, on ne pouvait pas taper vagin ou mycose grossesse dans une barre de recherche d'un outil informatique. Ça n'existait tout simplement pas. Et c'est aussi dans ce contexte-là qu'il faut se replonger, parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte totalement différent où la difficulté serait plus qu'on est envahi d'informations et qu'on a du mal à trier et à trouver une information fiable. À l'époque, c'était un déficit absolu d'informations auquel ces femmes remédiaient. Oui, ce qui est très intéressant, c'est que leur démarche à l'origine, elle partait en fait du constat à la fois de l'ignorance des femmes sur leur propre corps d'un côté, et puis aussi des rapports de domination qui s'exercent dans les savoirs médicaux en particulier. Et pour y répondre, ce qui est très singulier dans la démarche des livres d'origine et dans votre démarche à vous aujourd'hui, c'est que l'idée, c'est de partir vraiment de l'expérience des femmes, en particulier de témoignages recueillis par les femmes qui racontent leurs histoires et à partir de là d'informer les autres sur toutes les réalités en fait qui ont trait de près ou de loin à leur corps. Mais c'est très large. Oui, c'est vraiment cette idée de légitimer un savoir construit à partir de l'expérience effectivement et du vécu, et aussi de légitimer un savoir construit de manière collective. C'est-à-dire que l'idée est vraiment d'œuvrer à une sorte de partage et de faire en sorte que, effectivement, le savoir sur le corps des femmes ne soit plus détenu uniquement par une parole médicale, normative, moralisatrice et effectivement violente. C'est-à-dire que, à l'époque, on n'en parlait pas encore sous ces termes-là, mais la question des violences gynécologiques, médicales, exercées par le corps médical, elle est très présente déjà dans les premières versions. Donc il y a effectivement cette idée de construire un savoir autrement et en même temps de travailler main dans la main avec des médecins et de livrer un savoir théorique aussi. Enfin, c'est-à-dire que c'est un livre qui contient aussi dès les premières versions des schémas, des tableaux comparatifs, des données explicatives, etc. Tout ça, c'est déjà présent. Mais il y a aussi effectivement cette dimension féministe. C'est-à-dire qu'il y a une dimension... C'est pas du tout seulement un livre de santé. C'est pas seulement un manuel de santé. C'est aussi un manuel féministe. Il y a vraiment, dans le même mouvement, l'idée d'une revendication, d'une colère. C'est-à-dire que ça s'inscrit vraiment dans ce mouvement qui naît à l'époque. Moi, une des choses qui m'ont énormément marquée dans la version de 77 en France, c'était... cette prise de conscience que les femmes n'ont pas le droit à la colère. C'est-à-dire que dans ces discussions collectives, dans ces ateliers, il est beaucoup question de corps, effectivement, mais il est aussi question de comment est-ce qu'on est construite en tant que femme et qu'est-ce qui nous est refusé, qu'est-ce qu'il faut conquérir. Et notamment ce sentiment-là, qui est souvent taxé d'hystérie, où on nous reproche d'avoir la voix qui part trop vite et trop haut, de ne pas se contrôler, de ne pas se maîtriser. C'est-à-dire que les sentiments qui nous sont autorisés, c'est la culpabilité, la tristesse, le fait de se renfermer sur soi-même. Et là, moi, pour moi, d'avoir lu des femmes qui disaient « je me suis rendu compte de ça » et donc j'ai essayé de me mettre en colère et de comprendre ce que ça me faisait et comment je pouvais y parvenir, c'était une révélation énorme. Et ce qu'il faut bien comprendre pour les auditeurs qui n'ont pas encore lu le livre, c'est qu'il se présente comme une sorte de manuel qui met en présence à la fois des textes très informés, documentés sur tel ou tel sujet, et puis des témoignages de femmes recueillis sous forme de citations plus ou moins courtes, ainsi que des illustrations, des schémas, des photographies, parfois aussi des références, des renvois vers une liste d'associations actives sur telle ou telle question, des bibliographies, par exemple. Donc c'est une sorte de boîte à outils, en fait, pour les femmes, et d'ailleurs aussi, à mon avis, pour les hommes, de tous âges, pour quiconque s'intéresse à la réalité de l'expérience vécue des femmes. Et ce qui est saisissant, c'est que en effet, on se rend compte à quel point, vous disiez tout à l'heure, il faut bien se rendre compte que dans les années 70, il n'y avait pas Internet, c'est tout à fait vrai, mais je pense que aujourd'hui, et c'est sans doute la raison pour laquelle vous avez voulu réactualiser ce livre, les informations finalement, peut-être qu'on est noyé sous un flot d'informations, et il est évident que les femmes souffrent encore d'une forme d'ignorance. C'est pour ça que vous avez pensé qu'il était nécessaire aussi de réactualiser le livre. C'est tout à fait ce que je disais tout à l'heure. C'est effectivement, là, on a basculé d'un désert d'informations à une surcharge dans laquelle c'est difficile, au milieu de laquelle c'est difficile de tracer sa route et son chemin. Le terme de boîte à outils, c'est exactement ça. Et c'est de manière plus générale ce qu'on essaie de faire chez Heure d'Atteinte, c'est de proposer des livres qui puissent permettre effectivement concrètement de s'armer, de mieux maîtriser des mots, des concepts, des idées, et puis de pouvoir les utiliser très rapidement et très concrètement dans le vrai monde. Donc là, c'est exactement ça. Effectivement, les témoignages, pour moi, permettent vraiment une sorte d'empathie, de projection. C'est vraiment des témoignages dans lesquels on peut se reconnaître ou pas et décider justement de suivre ces modèles-là ou pas. Mais pour moi, il y a vraiment une dimension supplémentaire dans cette idée de parole brute et de femmes qu'on lit directement avec leurs mots, avec leur manière de mettre en mots ce qu'elles vivent elles-mêmes. Les textes qui accompagnent ces témoignages sont rédigés à la première personne du pluriel. Ce que je trouvais très important aussi, puisque c'était le cas des éditions précédentes, et je trouve ça très beau comme geste aussi de construire un « nous » avec ces expériences-là et de construire une sorte de corps collectif féminin dans lequel on inclut, parce qu'on prend aussi le temps d'expliquer pourquoi est-ce qu'on utilise ce mot « femme » et dans quel cadre. Quand on utilise le mot « femme », il s'adresse aux personnes qui ont un vécu social de femme. C'est un livre qui a voulu garder le mot « femme » dans une tradition féministe, en quelque sorte, mais il parle aussi du vécu des personnes trans. Il y a aussi des témoignages de parcours de transition et des témoignages de personnes trans qui émaillent le livre, qui sont là à peu près dans toutes les parties, sur tous les sujets. Alors évidemment, ça ne peut pas être exhaustif, ça ne peut pas être totalement représentatif, mais on a effectivement eu cette volonté d'être le plus inclusif possible, à la fois sur les orientations sexuelles, sur les classes sociales, sur les âges, sur les origines, pour que vraiment un maximum de personnes se retrouvent dans ce livre et puissent y puiser des outils pour s'émanciper, se libérer, se sentir mieux dans leur corps et dans leur vie en général. Vous avez mentionné, vous étiez 9 auteurs en tout. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la manière dont ce groupe d'auteurs s'est constitué et comment vous avez travaillé? Je crois que vous avez recueilli un très très grand nombre de témoignages, donc dans cette manière de fonctionner collective dont vous nous parliez tout à l'heure. Comment ça s'est passé, l'écriture du manuel qui a duré, je crois, plus de 3 ans? Les prémices, c'était au printemps 2016. Tout a commencé en fait parce que j'ai voulu reprendre ce projet parce que j'ai fait une fausse couche qui m'a laissée totalement désemparée et à laquelle je n'ai pas réussi à réagir et qui a été pour moi un élément supplémentaire parce que c'était vraiment un projet qui me trottait dans la tête depuis très très longtemps, qui a été une nouvelle raison pour me dire en fait on a vraiment besoin de ça, là maintenant j'aurais vraiment besoin de ça. Donc j'ai commencé à en parler autour de moi et puis assez rapidement s'est constitué une sorte de premier noyau de femmes qui avaient déjà une expérience d'écriture et qui se vivaient déjà comme féministes, qui avaient toutes plus ou moins un rapport à ce livre, soit parce que leur mère le leur avait prêté, soit parce qu'elles en avaient entendu parler par la suite, soit parce qu'elles étaient tombées dessus par hasard pendant un reportage, par exemple. Et puis, en fait, on s'est aperçu rapidement que ce premier groupe formé par affinité était trop homogène. On était majoritairement blanches, trentenaires, de classe moyenne cultivée, hétérosexuelles. Et donc on a cherché effectivement à diversifier ce premier cercle en allant s'adresser directement à des femmes dont on pensait qu'elles pouvaient enrichir ce collectif, avec l'idée que déjà dans la manière même de penser la structure du livre et de décider ce qui nous paraissait important ou ce qu'on laisserait tomber, parce que le premier travail a été un travail de fond et très très long sur le sommaire, vraiment sur l'ossature du livre, sur son squelette, sur la manière dont on voulait le construire. On pensait que déjà là, déjà dans cette étape-là, il fallait que les regards soient, et les expériences et les corps soient le plus variés possible, en ayant encore une fois en tête que de toute façon, on ne pourrait pas être exhaustive. Et puis en gardant la méthode donc des versions originales, donc en commençant par parler de nous. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a, en fait, on a donc longuement travaillé sur ce sommaire, identifié cinq grandes thématiques qui sont devenues les cinq chapitres, cinq grands thèmes qui permettaient effectivement d'articuler le corps, le vécu des femmes, la domination masculine, le féminisme, avec toujours cette idée de constater une situation qui n'est pas toujours très réjouissante, mais immédiatement aussi de donner des outils à la fois individuel et collectif pour pouvoir réagir à cette situation. Et donc toutes ces thématiques, on a commencé par les explorer à travers nos vécus à nous, avec une méthode qu'on a reprise assez systématiquement, qui consistait à poser deux questions en lien avec le thème qu'on voulait aborder et à écrire chacune sur des petits papiers une expérience qu'on avait faite nous-mêmes, à laquelle cette question nous semblait faire référence. Puis ensuite, on mélangeait ces papiers et c'était quelqu'un d'autre qui lisait notre expérience, qui avait le mérite, effectivement, d'être tout de suite dans une sorte de partage et d'intimité et de prise de parole à la première personne, mais qui était complètement dédramatisé et pas intimidant, puisque c'était tout de suite partagé, que c'était tout de suite quelqu'un d'autre qui lisait. Et puis ensuite, on avait le choix de dire « ce que tu viens de lire là, c'était moi ou pas ». Ça pouvait aussi rester plus ou moins anonyme, sachant qu'évidemment, plus on se connaissait, plus on se reconnaissait dans nos témoignages. Mais c'est aussi donc la méthode qu'on a utilisée ensuite pour organiser des groupes de parole et des ateliers avec d'autres femmes. On a évalué qu'environ 400 femmes, effectivement, avaient participé à ce livre, sans avoir une idée très exacte du nombre. Mais qu'en gros, on a fait parler donc des femmes, soit dans des groupes de parole qu'on organisait sur des thématiques précises, on faisait des appels à participation, notamment sur les réseaux sociaux, soit avec des collectifs qui existaient déjà, à qui on fournissait du matériel d'enregistrement ou à qui on demandait de pouvoir utiliser du matériel qui existait déjà parce que ils avaient ou elles avaient déjà organisé des groupes de parole. Donc je pense par exemple à un collectif de femmes sourdes qui s'appelle ZEF qui est à Toulouse, ou à un collectif de femmes lesbiennes qui étaient à Strasbourg, un collectif de femmes de quartier populaire qui était à Ivry, donc qui ont toutes participé d'une manière ou d'une autre à nous fournir aussi des expériences, des voix auxquelles on n'aurait pas eu accès ou accès plus difficilement, puisque évidemment à chaque fois c'était plus facile de parler entre personnes qui faisaient des expériences proches. Vous concluez le livre sur cette très belle phrase, vous écrivez « Ce soin des unes aux autres au cœur de ce livre et notre lutte possède un lieu, celui de la non-mixité, de l'espace de l'entre-soi, mais aussi du débat et de l'organisation militante qui redonne confiance, joie et puissance. » Ça m'a frappée parce que cette idée de la nécessité de la non-mixité, c'est un acquis du militantisme des années 70. Ça a été l'une des grandes nouveautés qu'a apporté le MLF. Et dans cette nuit, plusieurs femmes militantes du MLF racontent de quelle façon il fallait toujours se justifier de ce choix des réunions non-mixtes, très mal vues, en particulier dans les premiers temps. En deux mots, Marie Herman, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien, pour vous, elle a quelle valeur cette non-mixité? Est-ce que vous vous sentez héritière directe de ces militantes des années 70? Je me sens héritière de cette tradition de non-mixité à travers son utilité, voire sa nécessité dans la construction d'un mouvement militant, mais aussi dans la nécessité de devoir à chaque fois se justifier, qui n'a pas changé, qui restait la même. Aujourd'hui, effectivement, on utilise la formule en mixité choisie, mais on a les mêmes effets qu'à l'époque, c'est-à-dire que quand on décide d'organiser une rencontre dans ces conditions-là, il y a toujours des hommes pour râler et ne pas comprendre pourquoi ils n'ont pas été invités, alors que quand ils sont invités, très souvent, ils ne sont pas intéressés et ils ont autre chose de mieux à faire. Merci beaucoup Marie Herman d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que ce livre « Notre corps, nous-mêmes » est disponible, qu'il faut absolument qu'il soit distribué dans tous les CDI, en particulier des collèges et des lycées de France, pour les jeunes filles, mais aussi pour les jeunes garçons, c'est une mine d'informations et moi j'aurais aimé pouvoir lire ce livre quand j'étais adolescente. Je renvoie également nos auditeurs à l'article de Chloé Leprince sur le site de France Culture à propos de cet ouvrage et de son histoire. On indiquera bien sûr le lien sur le site de l'émission. Tout de suite, en tout cas, place à la seconde partie de cette nuit autour des grandes voix du mouvement de libération des femmes. Dans un instant, un dialogue entre Antoinette Fouque et Benoît de Groulx en 1976, puis un entretien avec Cathy Bernheim au micro d'Emmanuel Laurentin, c'était en 2009, et enfin à voix nue, trois premiers volets d'une série d'entretiens avec Christine Delphi, interrogée par Charlotte Bien-Aimé en 2019. Toutes ces émissions sont bien sûr à retrouver, réécouter ou télécharger sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.